Vie économique, page 7 à 9. De nouveaux commerçants vous accueillent. Des photos illustrent les différents articles. Elles représentent les responsables des magasins ou les intérieurs. L'atelier Vantastique. En septembre 2014, Guillaume Hubert se lançait dans l'aventure en ouvrant son propre atelier de réparation d'instruments à vent. Après plusieurs années d'expérience dans le domaine, il a décidé de s'installer en tant qu'artisan sur la route de Nantes à Château-Gontier. Horaire, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Les Morelles, route de Nantes, 06 33 04 37 62 02 43 06 72 35. L'atelier Vantastique @gmail.com. SARL comme il faut. Spécialiste en store et fermeture depuis 30 ans sur Château-Gontier. La société Comme il faut vous propose de multiples produits, volets, portes de garage, portails, fenêtres. Michel Caillet et son équipe sont à votre disposition pour vous présenter les dernières innovations et les nouvelles tendances. Horaires, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi, de 9h à 13h. 20 avenue Maréchal Joffre, 02 43 07 33 17. Guerras Food. Ce commerce de restauration rapide et de sandwicherie est ouvert depuis la fin de l'année 2014. Après 30 ans passés dans cette activité en tant que salarié en région parisienne, Messieurs Gamery et Reba vous accueillent dans un lieu relaxant. Une salle de 23 places permet également à la clientèle de déjeuner sur place. Horaires, tous les jours de la semaine, de 11h45 à 14h30 et de 18h à 23h. 45 rue Garnier, 02 53 68 53 06. Côté création. Fort de ses 7 années d'expérience en tant que salarié dans le Segréen, Mathilde Prodhomme a ouvert son propre salon de coiffure à Château-Gontier. Installée depuis le 2 septembre 2014, elle vous propose ses services de coiffeuse, mais également de styliste visagiste. Horaire. Du mardi au vendredi, de 9h à 19h. Le samedi, de 9h à 16h. Place de la République, 02 43 07 98 63. Les parfums de thé gourmand. Après quelques expériences dans des salons de thé angevins, Lariana Tauvry s'est lancée dans l'aventure en juin 2014. En ouvrant son propre salon, rue René d'Anjou à Château-Gontier. Vous pourrez y apprécier un thé, un café ou une boisson fraîche dans la journée. Et chaque midi, un plat du jour est proposé pour un montant de 9 euros. Horaire. Le lundi de 14h à 18h45. Du mardi au samedi de 9h30 à 18h45 sans interruption. 12 rue René d'Anjou, 09 81 03 10 62. Blog Les parfums de thé gourmand. Leader Price Express. Le 29 novembre 2014, Delphine et Jean-Pierre Dubruille ont repris l'ancien petit casino pour y ouvrir un Leader Price Express. Après plusieurs mois d'activité dans ce domaine, ils ont eu l'opportunité de devenir gérants de ce commerce de proximité. Vous trouverez une large gamme de produits alimentaires et d'hygiène. Horaires, du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 20h. Le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h. Place de la République, 02 43 06 50 61. Le bistrot. Le 2 décembre dernier, Laszlo et Nathalie Kozislok ont repris la brasserie Le Bistrot. Précédemment dans le domaine de la restauration sur Paris, ils ont décidé de s'expatrier en province pour monter leur affaire. L'établissement propose une restauration tous les midis. Ils ont également entrepris de servir un repas le vendredi et le samedi soir. Horaire, du lundi au jeudi de 8h à 20h, le vendredi et le samedi de 8h à 22h. 24 place Paul Doumer, 02 43 06 10 05. Emilie Ranjou. Après avoir été enseignant pendant plusieurs années, Christophe M. a choisi de se reconvertir en tant que libraire. C'est en septembre dernier qu'il décide d'ouvrir sa librairie en compagnie de Fanny Dion de la Cour, libraire de métier. Vous pourrez ainsi apprécier la diversité de lectures proposées, littérature, jeunesse, bande dessinée, livres audio. Horaire, du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption. 10 place Paul Doumer, 02 43 06 74 63. Facebook, Aime lire Anjou. Grain de malice. Spécialisée dans le prêt-à-porter féminin, l'enseigne Grain de malice a ouvert ses portes le 3 octobre 2014. D'une surface de 138 mètres carrés, vous y trouverez un large choix de produits pour les 35-45 ans, allant de la taille 36 jusqu'au 48, mais également de multiples accessoires pour compléter vos tenues. Horaire, le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption. 7 place du Pilori, 02 43 07 27 82. www.graindemalice.com. Rouge-gorge lingerie. Installée depuis le 5 septembre 2014, votre nouvelle boutique de lingerie vous propose une large gamme de produits féminins, une ligne de jour et de nuit, des maillots de bain au printemps et des accessoires tels que collants et chaussettes. Vous serez séduite par le choix des couleurs et des tailles du 85A au 110G. Horaire, le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi, de 9h30 à 19h sans interruption. 4 place du Pilori, 02 43 70 16 04. www.rougegorge.com. Célio, ouvert depuis le 22 octobre 2014. Votre enseigne Célio vous accueille dans un espace lumineux et spacieux. Spécialisée dans le prêt-à-porter pour hommes, elle vous propose des vêtements et accessoires masculins, mais également une large gamme de costumes. Horaire, le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 19h, sans interruption. 10 rue des Pintiers, 02 43 09 15 05. www.celio.com. Ma boutique. Ancienne assistante de direction, Florence Goupil a souhaité changer d'activité et a repris le magasin de dépôt-vente Ma boutique en novembre 2014. Elle propose du prêt-à-porter féminin, IKKS, DDP, La Fée Maraboutée, Carole et quelques accessoires. Les jours de dépôt sont les lundis et jeudis après-midi et les mardis, mercredis et vendredis matin. Horaire. Le lundi de 14h30 à 19h. Le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h15 et de 14h30 à 19h. Le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Le samedi de 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h. 5 rue des Pintiers, 06 20 72 82 45. Hartmann, artisan menuisier de métier, Philippe Moureau vous accueille avenue du Maréchal Foch depuis mai 2014. Il vous assure un produit de qualité, fenêtres, portes d'entrée, portes de garage, portail, pergola, et vous accompagne dans vos projets. Horaire, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h30, sur rendez-vous l'après-midi. 42 avenue du Maréchal Foch, 02 43 07 22 68, 06 30 19 39 68. art-men@orange.fr. http://philippemoureau.wix.com/art-men. Les éleveurs de la Charentonne. Ouvert le 15 octobre 2014. Le magasin Les éleveurs de la Charentonne est le fruit d'une association d'éleveurs mayennais. Franck Lecornu, gérant, et son équipe Audrey, Marion et Magali vous proposent un large choix de produits de boucherie et de charcuterie. Horaire, le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le vendredi et le samedi de 9h à 19h. 9 route de Sablé, 02 43 07 97 81. Atypique Esprit. Depuis le mois d'août 2014, l'enseigne Atypique Esprit a déménagé dans de nouveaux locaux rue Gambetta. Le magasin vous propose des articles de prêt-à-porter féminin du 34 au 46, ainsi que des accessoires. Horaire, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 8 rue Gambetta, 02 43 70 05 20. www.esprit.fr. Beauty Success. L'équipe de Beauty Success, composée de 5 personnes, a investi ses nouveaux locaux, Place de la République, fin juillet 2014. Vous pouvez y trouver un choix de produits de parfumerie, de soins, de maquillage. L'enseigne propose également des prestations d'instituts de beauté. Horaire, du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h. 5 Place de la République, 02 43 07 66 15. VNB. Pierre Cousin et Claire Chevalier vous accueillent dans leur nouvel espace. Dans ce nouveau bâtiment, inauguré en décembre 2014, vous pourrez retrouver les spécialités de l'enseigne, vin, bière, spiritueux. Horaire. Le lundi de 14h à 20h, le mardi et le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 20h, le jeudi, le vendredi et le samedi de 10h à 20h. 8 avenue Ambroise Paré, 02 43 07 46 80. www.vnb.fr. Rouge Carnot. Le comptoir du bœuf est devenu le Rouge Carnot. Toujours dirigé par Florian Lopez, le restaurant vous propose une carte à base de viande rouge 100% française. Horaire, du lundi au samedi de 9h à 15h et de 17h à 22h. Fermeture le jeudi soir et le dimanche toute la journée. 44 avenue Carnot. 02 43 09 72 89.